Hein? Ça fait toute compensance comme au CERN 4-0. Ton équipe en swap, toutes ces bitches on s'aime. Zyrus Jack, j'suis plus penché côté El Assad. Zyrus B, j'suis dans le ciel à côté de la NASA. Chilo Max, Tanzep, on dirait GG. Les potes sont sciés comme j'aime ou bien piégés. SO Kaki, Blacky et Mosevage. Ouais, nous battent, gros c'est dead. Cocu dans l'OCB. Chaque jour que Dieu fait, on s'élève. Coupe comme une pince, mon seigneur. Je rigole. Ça les boit comme si c'était du lait. En avance, comme Henry Ford de société du lait. Quand je kick, mille au butom. Flow magnétique, au-dessus du sol, je suis Deftat, par en jetpack. Polynôme 210, dans ton verre, le clan date pas d'hier. Pour les faux obligés, j'ai radic au VG de Bavière. On donne l'heure, on dirait le Big Ben. J'ai le flow du tic, du Big L. Qu'il aime, je les bombarde, Karim gêne. D-Max sans ombre sur la prod. D-Max sans ombre sur la prod. Nouveau rap, mondial, on la porte. Toujours avec mon bois, tout ce courant sur le nouvel ordre. Noir plaque, négro, le nouvel ordre. Faut des caras sur mon toit, sans ombre, sur la prod. Nouveau rap, mondial, on la porte. Toujours avec mon bois, tout ce courant sur le nouvel ordre. Noir plaque, négro, le nouvel ordre. Faut des caras sur mon toit. Trop de flow, dans la base de données. Fume des louds de port des postes. CHR, crash au mic, multiplie grave les corps. Tous les négros s'enfoncent, pas à petite dose. Cône de 1G, main 7H, roulement tarlingé, j'm'explose. Fais taffer mes récepteurs bœufs, la zep dans les tues. J'les roue dès 7h02. Et négro, j'pop pas de drogue de l'ombre. Cherche les clés de manière divine. Oui, de K18, sort les sorts de l'ombre. Anti-loot, des porcs colons. Dans le cervelet, il me faut la science d'un astrologue. Dogon, pas là pour des loves de con. La maçon choc, sort néo-flow à rien. Crache le feu comme Ariane, même quand j'suis France, car à rien. Ça les lave, Ariel, ils font appel. La chata, Ariel et Aben.